suis allé un jour à Dijon, là, voir mon oncle. Il se trouvait être mal installé, sans vraiment de possibilité de vivre une vie dans une pareille situation. Alors, j'ai à ce moment-là été débauché par le meilleur luthier de Mirecourt, qui se trouvait être Dieudonné. Ce Dieudonné, donc, m'avait contacté et je suis resté 3 ans dans cette maison où j'ai beaucoup appris. Mon patron étant un homme exigeant, mais qui apprenait vraiment, j'avais pratiquement rien appris dans mon premier stage chez Thibouville. Mais alors là, chez Dieudonné, c'était sérieux. Chaque ouvrage, chaque chose était reprise par le patron, il expliquait, il donnait tous les renseignements, ce qui fait que on arrivait à apprendre chez lui beaucoup plus qu'ailleurs.